je parlais avec eux, plus je voyais leur manigance. Leur dialectique en feu, un tango de mensonges. Ils comptaient sur la connerie de l'autre en confiance. Et quand le coup ratait sec, ils jouaient les grands dingues. Si ça marchait plus blanc, ils comprenaient plus rien. Acculé au mur noir, hop, un saut de côté. Ils balançaient des vérités grosses comme des camions. Et paf, les tordaient pour un tout autre combat. On les coinçait encore, ils filaient comme des anges. Jamais un mot clair que des fumées, des mirages. Mais qu'est-ce qu'on admire, hein, dis-le-moi. Leur torrent de salive en furie déchaînée. Ou l'art diabolique, le mensonge sculpté. Je les ai, je les ai, je les ai. Qu'est-ce qu'on admire, nom de Dieu. Leur logoré en tempête, en déluge affolé. Ou le génie noir de l'imposture exaltée. Je les ai, je les ai, je les ai. Quand on voulait choper un de ces apôtres en vol, la main serrait que de la glu, visqueuse et traîtresse. Ça filait entre les doigts, se refaisait plus loin, plus molle. Un serpent de gélatine, un cauchemar qui se dresse. Si on lui portait le coup, franc net, sans appel. Devant la foule muette, il pliait, il cédait. On croyait avoir franchi le mur, gagné le ciel. Mais le lendemain, stupeur, le bazar recommençait. Mais qu'est-ce qu'on admire, dis-le-moi. Leur torrent de salive en furie déchaînée. Ou leur diabolique, le mensonge sculpté. Je les ai, je les ai, je les ai. Qu'est-ce qu'on admire, nom de Dieu. Leur logoré en tempête, en déluge affolé. Ou le génie noir de l'imposture exalté. Le juif, le lendemain, savait plus ce qui s'était dit. Recommençait ses rêves, ses grands vents d'autrefois. Comme si de la veille, avec du vent, du vide. Et quand furieux, on le poussait dans ses retranchements. Il ouvrait grand les yeux, jouait l'innocent pur. Moi, prouvé hier, mais oui, tout était clair. Plus un souvenir, juste un brouillard d'azur. Et le bonhomme repartait, triomphant dans le mensonge. J'en demeurais souvent pétrifié. Mais qu'est-ce qu'on admire, hein, dis-le-moi. Leur torrent de salive en furie déchaînée. Ou l'art diabolique, le mensonge sculpté. Je les ai, je les ai, je les ai. Qu'est-ce qu'on admire, nom de Dieu. Leur logoré en tempête.